Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Grosbois-Collonge, qui habite Thion-sur-Mer, et elle est avocate. Bonjour Isabelle. Alors, vous habitez Thion-sur-Mer? Bonjour Thierry, oui, j'habite Thion-sur-Mer. Depuis combien de temps? En fait, 24-24, 7 sur 7 et tous les jours, depuis un an et demi. Sinon, vous étiez à Paris, c'est ça? Exactement. Et vous aviez un pied-à-terre peut-être à Lyon ou vous... En fait, c'était plus qu'un pied-à-terre. De plus en plus, on organisait avec mon mari nos emplois du temps de telle manière à passer plus de temps à Lyon qu'à Paris. Et en fait, je revenais sur Paris les jours où j'avais besoin d'aller travailler. D'accord. Et pourquoi Lyon? Vous trouvez comment Lyon-sur-Mer? Pas vraiment par hasard. On allait chez des amis tous les ans à Hermanville, D'accord. au moment de la fête à la coquille. Et puis un jour, j'ai dit à mon mari, mais c'est là qu'il faut qu'on s'installe. D'accord. Voilà. Et on a trouvé à Lyon-sur-Mer très rapidement. Et on ne regrette absolument pas. Bon, super. Donc, vous êtes avocate, mais vous êtes à la retraite depuis peu de temps. Oui, tout à fait. Depuis exactement, on est 12, donc depuis 12 jours. Alors, enfin, la retraite, administrativement parlant, parce que pour l'instant, pas professionnellement. Je suis toujours inscrite au barreau de Paris. D'accord. Et je termine les quelques dossiers que j'ai gardés. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de... comment on dit avocat? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce métier-là? Ah ben, en fait, je ne suis pas devenue avocat tout de suite. J'ai d'abord été médecin. D'accord. J'ai pratiqué la médecine installée à Paris pendant plus de 20 ans. Et puis, un jour, j'ai décidé de faire un master de droit médical. Et pour faire ce master, j'ai trouvé que le mieux, c'était quand même de refaire des études de droit. Oui. Donc, j'ai fait des études de droit dans un cycle pour étudiants salariés. Et puis, voilà. Et j'ai fait mon master, donc licence, maîtrise, master de droit médical, à Bordeaux d'ailleurs, le master. Et ensuite, j'ai décidé de changer de profession. Et donc, je me suis inscrite à l'examen d'entrée à l'école du barreau de Paris, puisqu'à l'époque, on habitait en région parisienne. J'ai obtenu cet examen et ensuite, j'ai passé mon CAPA, certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et voilà, et c'est là que les choses ont commencé et que je suis devenue avocat depuis plus de 10 ans. J'ai toujours aimé le droit. Je me souviens très bien quand je passais mon baccalauréat, donc du temps des dinosaures. Je lisais le code civil en préparant mon bac dans la CAF parce qu'il faisait très chaud, je m'en souviens très bien. Je lisais le code civil et pendant mes études de médecine, j'ai hésité à commencer un cursus et de faire commissaire de police. Et puis finalement, avec les enfants, après 10 ans d'études, on ne change pas tout de suite. Et puis voilà, et puis la vie, il fallait gagner de l'argent. Et puis, quand j'ai eu, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'a motivée? Le fait que mes patients ne savaient jamais de quoi on les avait opérés, donc ça me paraissait bizarre. Et puis j'avais envie d'explorer autre chose, donc, et le droit m'a passionnée. Enfin, ce qui m'a toujours intéressée, c'était évidemment le droit pénal, comme beaucoup de jeunes avocats, enfin jeunes entre guillemets évidemment, bébés avocats nous dirons. Donc j'ai fait énormément de permanences à Paris, de garde à vue, de comparution immédiate, aussi bien en défense que côté victime évidemment. Et puis par hasard, par un client, j'ai connu une association de transgenres à Paris, une association qui s'appelle le PAST. Et j'ai sympathisé avec la directrice à l'époque, Camille Cabral, très gentille, et on s'est très bien entendu. Et donc j'ai commencé à faire des consultations juridiques dans cette association, et voilà, de fil en aiguille, je me suis investie dans cette association. Bien, on va faire une petite pause musicale, et puis on va justement parler du travail que vous avez fait avec cette association. Nous retrouvons Isabelle Grosbois-Collonges qui vient de me dire qu'elle a quand même eu une vie riche en tant que médecin, sa première vie, et après en tant qu'avocate. Qu'est-ce que vous retirez de la richesse de toutes ces expériences ? Les rapports humains, en fait, c'est ce que je pensais. Ce qui est un peu perturbant là, dans le fait de prendre ma retraite, c'est qu'en fait, depuis combien d'années ? Je ne sais pas, 40 ans. Mm-hmm. J'ai toujours eu des contacts humains, que ce soit aussi bien en qualité de médecin qu'en qualité d'avocat, en voyant en connaissant la vie des gens de manière totalement différente. Là, quand vous avez fait connaissance d'une association qui s'appelle Le PAST, à Paris. Oui. Qui défend les personnes... Non, qui s'occupe des personnes transgenres. D'accord. Mais également aussi, enfin c'est une association avec beaucoup de sud-américains, et donc qui en plus s'occupe aussi bien des hétéros que des transsexuels pour des problèmes. Insertion professionnelle. Voilà. Insertion professionnelle, prévention, oui, qui les aide en fait, qui les aide. Alors, pour que les auditeurs voient un petit peu, vous faisiez du conseil juridique, vous défendiez vous faisiez quoi en tant qu'avocate dans cette association ? Conseil juridique, c'est-à-dire des gens qui viennent vous voir parce qu'ils ont des problèmes de bail d'habitation, parce qu'ils ont des problèmes de titre de séjour, et puis parce que certaines ont des problèmes avec la justice. Donc là, c'était plus que du conseil juridique, c'était de l'assistance. Mmh. Et puis parce qu'aussi, c'est un milieu où il y a beaucoup de violence. Et donc, pour les personnes qui étaient victimes de violences, et donc qui avaient là encore besoin d'un avocat pour les défendre, et qui ne pensaient pas toujours pouvoir être défendues et pouvoir obtenir gain de cause, du fait que souvent, situation irrégulière... En plus de leur transgenre, de leurs problèmes dus à leur changement d'identité, c'est complexe aussi, pas d'identité, mais de sexe, ça doit être assez complexe aussi. Oui, tout à fait, Et donc aujourd'hui, vous après votre retraite, vous bouclez un petit peu des dossiers que vous avez. Voilà, vous je avez termine certains dossiers, et puis j'ai d'autres projets à partir de l'année prochaine. En lien avec votre... Alors, absolument pas. D'accord. C'est fini, c'est la retraite. C'est la troisième carrière, vie. C'est la troisième vie. On verra, parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je me suis inscrite à l'université de Caen. D'accord. En licence de russe. Voilà. Puisque j'avais fait du russe, enfin j'avais appris le russe quand j'étais... lycéenne, et donc j'avais envie là, de reprendre des études de russe. Avec un objectif derrière, ou juste comme ça pour le... On ne sait pas, peut-être, je ne sais pas encore. On verra déjà que je fasse ma deuxième année de licence, là, et on verra. D'accord, alors... on discutait pendant la pause là et vous me disiez changer de au milieu de sa vie un peu professionnelle, changer de passer de, alors là c'est de médecin avocat, mais changer de faire un choix de s'orienter complètement dans autre chose, c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas simple du tout, parce que quand on est motivé, on ne réfléchit pas aux conséquences. Mmh. Et donc, on ne voit pas les points négatifs qu'il peut y avoir. Donc, quelquefois... ça se passe bien, mais bon, c'est quand même certains sacrifices. Oui, des sacrifices souvent financiers aussi. Mmh. Le temps de passer d'un métier à l'autre, remonter... Et c'est valable... On nous vante beaucoup qu'il faut être mobile, qu'il faut faire plusieurs métiers dans sa vie maintenant. C'est pas si simple que ça. Non. Bien, Merci Isabelle, et puis si vous voulez venir nous revoir pour parler de votre actualité et tout, il n'y a pas de problème. C'est l'émission les pieds dans le sable, alors elle est là justement pour donner la parole aux habitants qui ont des expériences de vie ou des expériences professionnelles ou des métiers. Isabelle en a un exemple, c'est la richesse de la relation humaine. Toute sa vie, elle a et soigné des gens et aidé des gens à se défendre et à trouver leur place dans la société. Eh bien, merci Isabelle. On va passer un peu de musique. Qu'a choisi Isabelle ? I see trees of green. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.